La représentation de la troupe centrale de propagande artistique de la jeunesse consacrée aux 52 ans de l'intégration du général Kim Jong-il au comité central du Parti du Travail de Corée a eu lieu le 19 courant à la place du monument à la fondation du parti Pyongyang. Y ont assisté les cadres de l'Union de la jeunesse et les jeunes étudiants de la ville de Pyongyang.